repasse le temps. Passez vite, à vie pleinement, c'est la veste des petites gens. Allez, passez, repasse le temps. Passez vite, comme qu'il entend, c'est la veste des petites gens. Passez, repasse le temps, passez vite, ta vie pleinement, c'est la valse des petites gens. Mais comme tu l'entends, passez, repasse le temps, c'est la valse des petites gens. Qu'est-ce que tu attends? Tu la ressens, elle est libre, tu la ressens. Elle vibre, tu la ressens. Elle vibre, tu la ressens. Elle est libre, passe et repasse le temps. Passe vite, ta vie pleinement, c'est la valse des petites gens. Comme tu l'entends, mais passe et repasse le temps. Passe vite, comme tu l'entends.